Alors, écoutez bien. Pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Une histoire comme l'histoire de Babar, l'histoire d'Astérix, l'histoire de Pierre et le loup, l'histoire de Renard et du loup, l'histoire du petit chaperon rouge. Une histoire? Mais pourquoi? Parce que ça va être utile pour apprendre le français. Ça va être utile? Oui, bien sûr, ça va être utile. Pour apprendre le français? Mais oui! Inventer une histoire, ça va être utile pour apprendre le français. Pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Nous allons inventer une histoire. Une histoire. Une histoire. Nous allons inventer une histoire. Inventer une histoire. Nous allons inventer une histoire. Nous allons inventer une histoire. Qu'est-ce que nous allons inventer? Une histoire. Pour apprendre le français. Pour apprendre le français. Nous allons inventer une histoire parce que ça va être utile. Utile. Utile. Ça va être utile. Ça va être utile. Ça va être utile pour apprendre le français. Pourquoi est-ce que nous allons inventer une histoire? Parce que ça va être utile pour apprendre le français. Oui, mais qui va inventer l'histoire? Vous ou nous? Qu'est-ce qui va inventer l'histoire? Mais nous, vous et moi. Moi, je vais proposer l'histoire. Ben, nous alors? Eh bien, vous, vous allez inventer l'histoire avec moi. Nous allons inventer l'histoire ensemble, vous et moi. D'accord? C'est d'accord. Mais qui va inventer l'histoire? Qui va inventer l'histoire? Qui va inventer l'histoire? Vous ou nous? Vous ou nous? Nous, vous et moi. Nous, vous et moi. Qui est-ce qui va inventer l'histoire? Nous. Moi, je vais proposer l'histoire. Proposer. Moi, je vais proposer l'histoire. Moi, je vais proposer l'histoire. Moi, je vais proposer l'histoire. Vous, vous allez inventer l'histoire avec moi. Avec moi. Avec moi. Vous allez inventer l'histoire. Vous allez inventer l'histoire avec moi. Vous allez inventer l'histoire avec moi. Nous allons inventer l'histoire ensemble. Ensemble. Ensemble. Nous allons inventer l'histoire ensemble. D'accord? D'accord? C'est d'accord. C'est d'accord.